Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 9. Un épisode dépressif. Entrez, mon père. C'est heureux de vous voir. Bonjour, le bourré. Comment allez-vous? C'est dur, c'est peu de le dire. Il sera manqué. Courage, le bourré. Courage. Salut, André. Salut, Baptiste. La gendarmerie vient de repartir. Ils ont pris le corps. Pauvre homme. Tu en as parlé à l'office? Bien sûr. Ils en avaient besoin. Tout le monde est sous le choc. Le gros, comment il va? Il pense qu'il est encore maire. Il sait plus où il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une lettre. C'est la gendarmerie qui l'a, mais regarde, je l'ai prise en photo. Tiens, lis, c'est super bizarre. Au grand Ribaudy et l'abruti, tu ressembles pas à ton frère et ta mère t'aime pas. Crétin, tout le monde sait, tu es adopté. Tu es le grand regret de ta mère. Septembre 22 1974, Corbeau. On a retrouvé ça à côté de lui. Il va falloir retrouver le corbeau, et vite, avant qu'il y ait d'autres drames. Je te laisse. Le gros est en haut. À l'altitude de Haut-Vourlan, la pression atmosphérique par beau temps est de 900 hectopascales. Ce matin, le baromètre indique 890 hectopascales. Haut-Vourlan traverse un épisode dépressif. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 25 août 2019. Je suis le curé d'un village sur lequel planent des nuages noirs et lourds. Monsieur Ribaudier, c'est André Rose. Comment allez-vous? Je vais faire un communiqué au nom de la mairie. Et il faut le dire à maman et papa? Oui, je le ferai, moi. Vous le ferez, vous? Promis. Il faut que ce soit moi. Ils me connaissent, maman et papa. Attendez. Maman, papa, le grand est mort. Une cartouche dans la caboche, d'abruti. Monsieur Ribaudier, asseyez-vous. Il a été adopté de toute façon. Vous êtes sous le choc. Vous devez vous reposer. Je suis seul. Je suis là, moi. Et il y a le bourré et tout le village. Je suis seul. Monsieur Ribaudier, qu'est-ce que c'est que cette lettre sur votre lit? Je l'ai trouvée ce matin sous la porte. Mais avec tout ça, j'y ai pu penser. Madame Châtel a reçu une lettre comme ça hier. On pourrait la lire ensemble si ça vous dérange pas. Oh non, ça me dérange pas, mon père. C'est Jeanne et Abel. C'est pas eux, monsieur Ribaudier. C'est eux? Ils arrêtent pas de m'écrire. Cher Pascal, enfin de retour de Bali, nous avons tant à te raconter. Viens dîner à la maison ce soir, nous t'attendons pour 20h. Amitié, Jeanne et Abel. C'est pas Jane et Abel. Il faut que je me prépare. J'ai rien à me mettre. Mais attendez. Prêtez-moi une chemise propre et un pantalon. Arrêtez. Je peux pas aller dîner comme ça. Arrêtez, c'est pas les Varottes qui vous écrivent, c'est quelqu'un d'autre. Mais ils ont signé. Donnez-moi cette lettre. Je vais la porter à la gendarmerie. Ah bon? Promettez-moi que vous n'irez pas chez les Varottes ce soir. Je promets. J'y vais tout de suite. Dans le lac de Clairlieu, ils vivaient deux amoureux. Des noires profondeurs, ils chantent leur malheur. N'approche pas passant de ces drôles d'oiseaux. Si leur chant tu entends, tu finiras dans l'eau. Je suis seul. Allez. bon vent. Le pauvre. Ben, il va nous manquer, cet abruti. Tout le monde le savait qu'il était adopté. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Lui, il savait pas que tout le monde savait. Ouais. Ça recommence. Comme en 74. Il faut qu'on trouve le corbeau. Le corbeau ? J'ai reçu une lettre hier. Et moi une ce matin. Le bourret aussi. Et puis à l'épicerie. Et les producteurs de la fruitière. C'est que pour les anciens de Vourlans, il y en a au moins 15. Toutes datées de 74. J'en ai pas reçu, moi. Et toi, Christine, t'en as reçu ? Moi ? Dieu merci, non ? Oh, ça va venir, y a pas de raison. Oh. Il faut qu'on l'attrape avant le prochain mort. Mais t'es marrant, toi. On fait comment ? On ouvre l'œil. Eh bien, Madame Châtel et Messieurs Majoubi, Revel et Merceau réunis. On n'avait pas vu aussi belle assemblée depuis la conférence de Yalta. Qu'est-ce que tu veux, Broya ? Ne vous dérangez pas, je ne fais que mon travail. Ton travail ? Pas celui de bourreau, rassurez-vous, jamais le dimanche. Non, je suis facteur maintenant. Vous ne le saviez pas, hein ? Et j'ai du courrier pour vous. Je dois sortir. Eh bien, Christine, tu ne veux pas rester discuter avec nous ? Je dois y aller, j'ai affaire. Christine ! Elle aura vu un fantôme. De toute façon, j'ai rien pour elle. Alors, voilà une lettre pour Monsieur Merceau. Voici pour Monsieur Revel. Et celle-ci est pour Monsieur Majoubi. Oh, salopard ! Ah ben, du travail bien fait. Qui mérite bien une pause. Monsieur Merceau, j'accepterai avec plaisir un bon steak, bien saignant. Ça te fait marrer, trou du cul ? Monsieur Revel, vous n'avez pas répondu à la question d'Ahmed. C'est à toi que je cause, sale con. Si c'est toi qui as fait ça, on laissera pas le temps à la gendarmerie de t'attraper. Je reconnais la vos pratiques, monsieur Revel. Ouais. Mais voyez-vous même, ces lettres ne sont pas de moi. Je le sais, pour en avoir reçu une, moi aussi. Ta gueule. Êtes-vous certain que ce soit les varottes qu'on a trouvées au fond de ce lac ? Et si le métier de bourreau m'a appris une chose, c'est que pour rendre un acte de décès, faut avoir constaté la mort. Or, qui, ici, a constaté la mort de Jane et Abel Varode ? Les gars, on peut pas parler tranquillement ici. Rendez-vous ce soir à 20h, chez moi. Je préviens Christine. Et toi, Revel, t'amèneras tu sais qui. Monsieur Merceau, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais encore jamais un steak se cuire tout seul. Mais je le veux parfaitement saignant. Sous cette pluie. Mon père, je dois me confesser. Si c'est pour du vin jaune, ça peut attendre. Je vais vous raccompagner. Mais je ne peux plus attendre. D'accord. Mon père. Avez-vous déjà répété ce que vous avez entendu en confession ? Jamais. Le ferez-vous un jour ? Aucun prêtre ne dévoile ce qu'il entend à confesse. Parlez en paix, ma fille. Je veux vous parler de la mort de Jeanne et Abel Varode. Mon père, savez-vous pourquoi ils sont morts ? Dites-moi, ma fille. Oh ! Oh ! C'est terrible. Ils sont morts parce qu'on a pris Jeanne Varotte pour le corbeau de Fourlan. Oh. Mais c'est faux. C'est faux, mon père. J'en meurs. Depuis tout ce temps, j'en meurs. Ils sont morts par ma faute. Pardon, pardon. Le corbeau de Vourlan, c'était moi. Et j'ai fait accuser Jeanne Varotte. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comprenez-moi, je les hais. Je les ai toujours haïs, tout autant qu'ils sont. Les Varotte, si beaux, si parfaits. Et tous les autres aussi, leur méchanceté, ce village tout entier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi. Il faut me croire, mon père. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. À suivre.